Face aux défis de notre époque, avez-vous les clés pour comprendre le monde qui nous entoure ? Économie, droit, intelligence artificielle, management, transition écologique ? Avec Dauphine Éclairage, le nouveau média scientifique en ligne, découvrez l'actualité décryptée par les chercheurs de l'Université Paris-Dauphine PSL. Grand dossier, podcasts, articles, vidéos, l'expertise universitaire accessible à tous. Dauphine Éclairage, comprendre le monde, éclairer l'avenir. Rendez-vous sur le site dauphine.psl.eu. La science CQFD, Natacha Triou. Le 7 février dernier, le Parlement européen a voté pour l'arrivée des NGT dans l'agriculture et le marché européen. Pourquoi ces nouveaux OGM ne font-ils pas consensus dans la communauté scientifique ? Les NGT, pour New Genomic Techniques, sont aussi appelés les OGM de deuxième génération. Les méthodes sont différentes, mais le principe reste le même. Améliorer les plantes pour faire face aux défis démographiques et climatiques de demain. Ils étaient jusqu'ici soumis aux mêmes réglementations strictes que leurs prédécesseurs. Pour le moment, aucun produit NGT n'est commercialisé en Europe, mais de nombreux fruits et légumes basés sur ces biotechnologies sont en cours de développement. Quelles peuvent être les conséquences environnementales, sanitaires, mais aussi socio-économiques de leur utilisation ? Nouveau OGM, de la bonne ou de la mauvaise graine ? Marc-André Sellos, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur du Muséum National d'Histoire Naturelle et membre de l'Académie d'Agriculture de France et vous êtes l'auteur du livre « Nature et préjugés » qui vient de paraître au Seuil. Vincent Lucas, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste à Reporter. Et Bernard Chevassu-Aulouis, bonjour. Bonjour. Vous êtes membre de l'Académie des Technologies et président de l'ONG Humanité et Biodiversité. Merci à vous trois d'avoir accepté notre invitation en direct sur France Culture. Merci à vous qui nous écoutez à toute heure en podcast sur l'appli Radio France. N'hésitez pas à nous suivre également sur Twitter chaque jour. On vous poste de nombreuses ressources complémentaires pour enrichir votre écoute. C'est tout de suite sur notre fil à Science CQFD. Alors quelles sont ces techniques de modification du génome ? En quoi diffèrent-elles des précédentes générations ? Réécrire le génome, est-ce fabriquer des OGM ? Quels peuvent être leur impact sur la santé ou sur l'environnement ? Quels en sont les risques et les bénéfices ? Nous sommes ensemble jusqu'à 17h pour répondre à ces questions. On commence avec un petit point sur ce qu'il s'est passé au Parlement européen. C'est notre fraîche archive du jour du 8 février dernier. Le Parlement européen a voté en faveur d'une réglementation plus souple quant à l'utilisation sur les plantes des NGT, les nouvelles techniques génomiques. Certains experts affirment que notre système alimentaire pourrait devenir plus durable grâce à ces NGT. Les plantes pourraient devenir plus résilientes aux changements climatiques et aux espèces nuisibles. Mais quelles sont exactement ces techniques génomiques ? Nous avons posé la question à ce professeur. Les nouvelles technologies permettent de cibler plus précisément d'une manière chirurgicale comme un ciseau les gènes au sein du génome d'une manière bien précise sans toucher toutes les autres parties du génome et introduire la fonction ou améliorer la fonction qu'on veut. Donc il y a un gain de temps qui est énorme et c'est encore plus important que c'est plus précis et on va cibler que la partie qui nous intéresse à améliorer. Le professeur Bendaman estime que les NGT pourraient jouer un rôle crucial dans la lutte contre l'impact du changement climatique sur l'agriculture. Il espère qu'ils éviteront les pertes de récoltes causées par une floraison précoce, ce qui arrive de plus en plus fréquemment. En Europe, cette méthode est actuellement réglementée de la même manière que les OGM. Pour autant, certains agriculteurs considèrent ces plantes modifiées par NGT comme potentiellement nocives pour l'agriculture. Voilà un extrait d'un reportage paru sur Euronews le 8 février 2024. Marc-André Sellos, on entend des arguments et des mots, des mêmes termes qui évoquent l'adoption des premiers OGM. Ah oui, mais en fait, l'histoire nous rejoue à peu près la même pièce. En réalité, ce sont effectivement des outils extrêmement puissants pour parvenir aux fins qu'on s'est fixées. Mais ils résolvent le problème quand on regarde étroitement le problème. En réalité, ça vise des organismes qui ensuite vont être dans des écosystèmes. Ça vise des organismes qui éventuellement auront là-bas des descendants qui seront là dans le temps long. Et donc, ça pose des questions assez délicates quand on déplie ça dans l'espace et dans le temps, qui font qu'un certain nombre de spécialistes, et d'ailleurs l'ANSES s'est fait l'écho cet avis qui a été un peu retardé, mais qui a fini par paraître en demandant des évaluations cas par cas, les spécialistes se disent il faut faire attention aux conséquences, surtout quand on ne peut pas les maîtriser. On n'est pas en train de discuter ici d'applications complètement confinées, comme par exemple ces bactéries qui produisent de l'insuline pour les diabétiques. Ce sont des OGM, d'ailleurs, de première génération, et elles sauvent des diabétiques. Donc on n'a pas de problème, de tout ça, elles ne sortent pas du laboratoire. La vraie question sur ces OGM, depuis le début, c'est comme le couteau. On peut utiliser bien ou mal un couteau, on ne peut pas être pour ou contre le couteau. La question, c'est comment on l'utilise. Oui, c'est NTG, hein, ils sont depuis 2018 classés comme OGM, et donc comme tout OGM, leur culture est interdite dans l'Union européenne. Mais depuis l'année dernière, et après 3 années d'études, la Commission européenne a demandé un assouplissement de ses règles, Vincent Lucchez, un assouplissement pour aider à assurer la sécurité d'approvisionnement alimentaire. Oui, c'est l'argument toujours du progrès technologique qui permettra de sauver le monde et de sauver l'humanité de la faim dans le monde. Effectivement, on avait entendu le même genre d'argument déjà pour les OGM de première génération. On promettait que les OGM de première génération allaient résoudre la faim dans le monde. On est en 2024. A priori, malheureusement, c'est pas vraiment le cas. Donc, il y a toujours cette espèce d'argumentaire rhétorique dont il faut apprendre à se méfier, qui est de toujours mettre en avant une technologie en promettant ce qu'on appelle en fait l'économie de la promesse, hein, promettre le meilleur et des utopies grâce à la technologie. Par exemple, on voit qu'avec l'intelligence artificielle aussi, on promet des opérations chirurgicales au bout du monde faites par des robots incroyables qui vont nous sauver. On voit qu'avec les crypto-monnaies, on promettait de pouvoir se réapproprier la finance et sortir des bulles spéculatives. Et ce qui se passe en réalité derrière, c'est rarement aussi utopique que ça. On le voit aussi avec les OGM. Les OGM de première génération ont davantage favorisé les plantes résistantes aux pesticides qui se développent avec l'utilisation d'herbicides ou de pesticides et n'ont pas vraiment résolu la faim dans le monde. Donc il y a beaucoup de problèmes qui se posent avec ces technologies. Et l'argument de sauver la faim dans le monde grâce au NGT, il est à prendre avec des pincettes. Il y a toujours un ensemble de solutions possibles. Disons que là, effectivement, ça peut être cher. Et c'est vrai que la vraie question, c'est à quel point est-ce qu'on a besoin de ces technologies. On va revenir évidemment dans le détail hein, sur le recul que l'on a des OGM, sur évidemment les techniques d'édition génomique qui sont en jeu. Mais d'abord, pour bien comprendre aussi ce qui s'est passé au Parlement, Bernard Chevalier-Louis, il faut dire, hein, selon le texte européen, les règles drastiques qui encadrent les OGM ne s'appliqueraient plus au NTG, mais le Parlement a fait le distinguo entre 2 catégories de NGT, NTG, enfin... Oui, alors ce qu'il faut dire, c'est que cette définition des OGM, elle a plus de 30 ans, c'est-à-dire que lorsque les premiers OGM ont été mis au point dans les années 90, eh bien, il a fallu effectivement les définir juridiquement. Et cette définition, effectivement, des OGM... qui dit que ce sont des organismes obtenus en modifiant le génome par des méthodes qui se déroulent pas dans la nature, on pourra en discuter, mais disons que c'est la définition, posait le problème effectivement de méthodes qui étaient déjà utilisées depuis le début du siècle, notamment de faire des mutations par des rayonnements et autres. Et donc là, à l'époque, en 1990, on a dit, ben voilà, il y a des méthodes considérées comme... des OGM, mais qui ne seront pas évaluées de la même manière parce qu'elles ont déjà été utilisées depuis longtemps. Donc le temps a passé, la définition des OGM reste ce qu'elle est, et donc il n'y a pas débat, à mon avis, sur le fait qu'effectivement ces nouvelles technologies relèvent bien de la définition des OGM qui est inscrite dans les textes européens. Et tout le débat qu'il y a eu, c'est de dire, est-ce qu'il faut effectivement... certains d'entre eux les exempter ou simplifier l'évaluation, comme on l'a fait pour d'autres technologies qui étaient présentes avant. Alors ensuite, où est-ce qu'on fait passer la barre? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on va dire comme restant des OGM classiques avec toute l'évaluation qu'on connaît, ou qu'est-ce qui va être allégé? Eh bien, c'est là qu'il y a tout un débat. Donc, il y a différentes prises de position. Je pense que le premier niveau, c'est on se contente de couper... dans un endroit du génome, et on laisse la cellule réparer. Assez souvent, la cellule répare et on ne voit rien. Puis des fois, pour diverses raisons, la cellule répare de travers, et c'est une mutation. Autrement dit, c'est comme les mutations qu'on peut obtenir par d'autres méthodes, si ce n'est qu'on sait à quel endroit on a voulu obtenir une mutation. Là, il semble qu'il y ait un certain consensus en disant qu'il faut travailler ça comme des mutations ordinaires. Mais ensuite, où c'est plus compliqué, c'est de dire, oui, mais si on va un peu plus loin et qu'on propose à la cellule un moule, c'est-à-dire une séquence en disant, cellule, est-ce que tu voudrais bien recopier cela? Le Parlement, il a dit, si ça ne change que 20 lettres du code génétique, vous savez, c'est une série de lettres hein, qui codent, eh bien, on va dire, c'est en dessous de 20 lettres que ça sera allégé. Tous les scientifiques vous diront pourquoi 20. Moi, je réponds toujours, c'est parce qu'on a 10 doigts aux mains et 10 doigts aux pieds. Hein. Bon, mais effectivement, il va y avoir ce débat en disant, mais qu'est-ce que ça veut dire, cette limite de 20? Est-ce qu'il faut être plus prudent? Est-ce qu'il faut, comme on l'a dit à l'Académie des technologies, dire, ben non, il faut trois catégories d'évaluation. Une catégorie mutation simple, une catégorie, disons, mutation induite, dans lequel il faudra quand même une évaluation renforcée, puis enfin les OGM, c'est tout le débat. Effectivement, le Parlement est partisan d'une assez grande libéralisation. Nous, on est un peu plus prudents, on pourra en reparler. Oui, c'est ça, c'est que tout NGT qui implique moins de 20 paires de bases modifiées bénéficie donc d'un assouplissement réglementaire, et c'est ça qui pose problème. Marc-André Sellos, dans la communication qu'il y a eu autour de ce vote, on a vu essentiellement passer des avis favorables. Oui, bah c'est pas dévoiler des secrets de famille, et moi ça me ruine de devoir parler de ça, que de dire que aussi bien l'avis de l'Académie des sciences qui a été publié ne reflétait pas tous les débats, notamment des débats sur la traçabilité qu'il y avait eu au sein de l'Académie des sciences, que l'avis qui a été réputé l'avis du CNRS était en fait celui de l'un des instituts du CNRS qui s'occupe de physiologie et de biologie cellulaire, l'INSB, et n'est pas du tout celui, par exemple, d'un autre institut, l'INE, celui de l'écologie et de l'évolution, au conseil scientifique duquel je me trouvais jusqu'à une date récente. Bon, on est en renouvellement, mais ça m'a permis quand même de bien voir, n'étant pas CNRS, que c'était pas du tout, ça reflétait pas les choses. Et on a vu aussi l'avis de l'ANSES, qui était prêt en décembre dernier, si j'ai bien compris, ne pas être diffusé sur pression gouvernementale. Tout ça, c'est pas bien sérieux pour deux raisons. La première, c'est qu'on ne peut pas faire l'économie de faire dialoguer toutes les disciplines, notamment les disciplines qui déploient dans le temps et dans l'espace les conséquences des gestes chirurgicaux, entre guillemets. Chirurgical, ça nous rappelle le discours de l'armée. Vous savez, frappe chirurgicale, bon, bah, il vaut mieux pas être à côté quand même. D'une part, il y a ce dialogue qui manque avec une partie de l'évaluation qui est absente. Et puis l'autre chose, c'est que quand on rattrape ça devant l'opinion, quand le débat s'engage devant l'opinion, ben la science n'en sort pas grandie. C'est un problème d'organisation, mais qui peut nuire à sa crédibilité, ou en tout cas que certains ne peuvent pas comprendre. Je veux dire qu'un avis, ça se mûrit et ça se donne une fois. Oui, pour redonner un peu de contexte, en effet, vous évoquez le rapport de l'ANSES. L'ANSES avait donc prévu de publier un rapport avant le vote des eurodéputés. Et en effet, selon les révélations du Monde, cette parution a été bloquée sur pression politique. C'est un rapport qui vient de paraître jeudi dernier, le 7 mars, Vincent Lucchez. Oui, il y a ce rapport qui est paru opportunément le lendemain des révélations du Monde, finalement, dans lequel on voit effectivement que l'avis des différents experts qui ont été synthétisés par l'ANSES nous dit que ce chiffre de 20 nucléotides n'est pas forcément pertinent, ne souffre d'aucune justification scientifique pour déterminer si ou non un OGM issu de NTG sera ou pas dangereux. On emploie beaucoup de métaphores autour de tout ça, et c'est vrai qu'il y en a une, moi, que je trouve assez parlante, c'est de dire qu'un tireur d'élite peut être très précis, c'est pas pour ça qu'il va pas faire beaucoup de dégâts. Donc la notion de précision, effectivement, elle dépend beaucoup de ce qu'on met derrière. J'ai interrogé beaucoup de chercheurs sur ce sujet, notamment des pros, parce qu'effectivement, il y a énormément de voix discordantes et d'avis divergents au sein des différentes disciplines de recherche scientifique. Et un des arguments qui ressort pour justifier aussi ces 20 nucléotides, c'est de dire que finalement, plus on va disposer d'un nombre de lettres importants au sein du génome dans le code pour cibler un gène en particulier qu'on veut changer, moins il y aura de risques que l'instrument génétique se trompe de mot, entre guillemets. Un mot de 20 lettres, si on prend un dictionnaire et qu'on cherche un mot pour essayer de le changer grâce à un outil génétique, si on a un mot de 3 lettres, on peut trouver un mot qui ressemble à une lettre près et peut-être qu'on va se tromper. Un mot de 20 lettres, les chercheurs qui promeuvent ces technologies disent, à partir de 20 lettres, si on définit le bon mot qui n'a pas d'homonyme, entre guillemets, ça augmente de la précision. Ça reste extrêmement débattu, c'est tout le problème, c'est qu'il y a une grosse controverse. Certains chercheurs et certaines études montrent qu'il y a encore des effets hors cible, c'est-à-dire que les outils vont taper à côté de la cible choisie. Et même quand ça tape pas hors cible, même quand ça tape sur la cible, ça peut aussi provoquer une mutation inattendue sur la cible. Donc il y a encore toutes ces inconnues qui perdurent sur la technologie. Mais alors, en décembre 2023, le CNRS s'est donc prononcé officiellement en faveur de la dérégulation des NGT. Dans un communiqué, le G6, le réseau des principaux organismes de recherche européens, se disent pour. Ça représente plus de 142 000 collaborateurs et collaboratrices. Marc-André Sellos, quel est le débat finalement au sein de la communauté scientifique? D'où vient ce clivage? Quelle est la graine de la discorde? Tout dépend ce qu'on regarde. Si vous regardez le problème en lui-même, c'est une excellente solution. C'est assez puissant. Après, si vous commencez à regarder le contexte, ben on s'aperçoit qu'il y a des contextes où c'est tout à fait acceptable et d'autres où ça ne l'est pas. Je vais vous prendre un exemple, justement pour illustrer un peu plus précisément dans le domaine médical, parce qu'il y a un espoir médical. Hein. Donc, il y a notamment un essai sur des patients qui souffrent d'une hypercholestérolémie génétique, qui a permis de corriger le gène qui leur fait avoir beaucoup trop de cholestérol dans le sang. Ça réduit leur taux de cholestérol de 55%. C'est largement plus que ce qu'on peut espérer avec n'importe quel traitement. Mais il y en a un qui a fait un gros accident cardiovasculaire et un autre qui est mort dans la foulée pendant l'essai. Ça fait tout de suite un peu beaucoup. Alors vous allez me dire, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, moi je ne sais pas, on ne sait pas, c'est en cours d'analyse. Mais ce que je sais par contre, c'est que toujours en pensant chirurgical et humain, on a un article de Cell il y a 3 mois qui démontre que certes la correction est très ponctuelle par la méthode CRISPR-Cas, hein, qui est celle qui justement va vraiment choisir le mot, comme on disait à l'instant, pour aller le corriger, le réécrire. Sauf que ça induit des cassures double brin dans l'ADN, c'est-à-dire que la molécule d'ADN se retrouve cassée sur ces deux brins, donc bel et bien cassée. Et ce que démontre cet article, c'est que sur des cellules humaines en culture, cela provoque des mutations, voire même des pertes chromosomiques. Ça veut dire que c'est délicat tout ça, et il faut vraiment l'évaluer avant d'en faire des routines. Ça ne veut pas dire que ce ne sera pas utilisable, une fois de plus, je pense qu'une autre façon d'imaginer des OGM confinés, c'est de les confiner dans l'organisme humain, c'est d'en faire des soins médicaux. Mais c'est clairement pas pour tout de suite. Alors quelles sont justement, plus précisément, ces techniques de modification du génome? Qu'est-ce que cette méthode CRISPR-Cas9? Et en quoi les NGT diffèrent-ils des précédentes générations? Restez à l'écoute. France Culture, la science CQFD, Natacha Triot. En direct sur France Culture, nous parlons des nouveaux OGM et de pourquoi les NGT divisent. On en parle avec Vincent Lucchez, Marc-André Sellos et Bernard Chevassu-Holoui. On vient de voir que l'assouplissement des modalités de mise sur le marché de ces NGT a été voté par le Parlement européen le 7 février dernier. On parle un peu des graines de la discorde qui existent dans les différentes instituts scientifiques. On a vu ensemble, Bernard Chevassu-Holoui, qu'il y a la question de la définition juridique des NGT. Les NGT sont-ils des OGM? C'est tout le cœur du débat, mais peut-être revenir un peu plus précisément sur techniquement, quelle différence avec les OGM de première génération? Il y a la question de la transgénèse. Oui, alors je pense qu'il faut distinguer OGM et transgénèse. C'est-à-dire que la définition que j'évoquais couvre bien d'autres choses que le fait d'injecter de l'ADN dans les cellules. Autrement dit, ce n'est pas de la transgénèse, c'est NTG, mais comme je l'ai dit, c'est dans la définition des OGM. Alors, juste un mot avant pour revenir sur les 20 nucléotides ou le gène qu'on modifie. Autant le nombre de nucléotides n'a peut-être pas grand sens, autant la question de dire, mais finalement, quel est ce gène que vous voulez copier? Je prends un exemple concret. On a un cas dans lequel on a un blé qui est attaqué par des maladies des champignons. Chez l'orge, qui est une espèce voisine, on repère des variétés qui sont résistantes à ce champignon. On regarde, donc on parle les deux gènes, et on constate qu'ils diffèrent par 7 ou 8 nucléotides. Et donc la question intéressante, c'est de dire, dans ce cas-là, ce gène qu'on connaît bien qui confère une résistance aux champignons, est-ce qu'on peut l'introduire chez le blé ? Par contre, si vous prenez un gène et que vous modifiez 20 nucléotides, vous pouvez faire des choses extrêmement différentes. Autrement dit, et c'est aussi l'avis qu'avait donné l'Académie d'agriculture, il ne faut modifier ou éditer, comme on dit, un gène que pour reproduire un autre gène qui a des fonctions qu'on connaît bien dans des espèces voisines évolutivement, de manière à ce qu'on sache bien, effectivement, qu'est-ce que c'est que ce nouveau gène. Alors ensuite, quelle est la différence avec un OGM? Deux choses importantes. Le fait que pendant longtemps, quand on injectait de l'ADN dans une cellule, on ne savait pas où est-ce qu'elle allait s'installer, d'une part, et que d'autre part, à l'époque des OGM, on n'était pas capable d'aller voir où est-ce que ça s'était installé dans la plupart des cas. C'est-à-dire, on regardait seulement si la plante ressemblait encore à une plante ordinaire. Les deux choses qui changent avec les NTG, c'est qu'on est capable de dire « je veux aller à tel endroit » et « je suis capable, en séquençant, d'aller voir si j'ai bien été à cet endroit ». Autrement dit, derrière les NTG, il y a une révolution dont on ne parle pas, c'est que vous savez qu'on a mis 13 ans et 3 milliards de dollars pour séquencer le premier génome humain. Aujourd'hui, un génome humain, c'est une journée et moins de 1000 dollars. Autrement dit, ce qu'on ne pouvait pas faire du temps des OGM aujourd'hui, c'est-à-dire dire il faut refaire la séquence complète pour voir ce que vous avez modifié et si ce n'est pas autre chose que ce que vous vouliez faire, ça fait partie des exigences qui étaient inenvisageables il y a 20 ans, qui sont aujourd'hui parfaitement légitimes. Et si l'ANSES dit, nous, on vous demande de vérifier que vous avez bien fait ce que vous vouliez faire et qu'il n'y a pas d'effet autre auquel on ne pensait pas, la biologie, ce n'est pas une science exacte, on a des tas d'exemples dans lesquels une perturbation relativement minime en un point du génome peut entraîner des modifications extrêmement importantes. Donc effectivement, ça a été dit tout à l'heure, l'argument de la précision, c'est vrai qu'on sait où on veut aller et on sait y aller avec ces fameux ciseaux, mais le fait de dire « vérifions quand même qu'on a bien fait ce qu'on prétendait faire », je pense que c'est quand même, disons, de la bonne précaution au sens scientifique du terme. Et Vincent Lucchese ? Oui, je rebondis là-dessus. Il y a aussi un élément intéressant et un peu inquiétant vis-à-vis de ces capacités à vérifier ce qu'on modifie, c'est qu'on ne peut vérifier que ce qu'on cherche, finalement, et que les chercheurs vont souvent aller observer l'ADN à l'endroit où le génome est censé être modifié et près des gènes qui pourraient ressembler au génome ciblé. Mais si une modification imprévue arrive à un endroit qui est complètement par définition imprévu et qu'on ne cherche pas cet endroit-là de modification, on ne la trouvera jamais. Donc ça reste aussi un élément compliqué. Et d'autres choses dont témoignent parfois les chercheurs en génétique sur les difficultés à vérifier ce qui s'est passé dans la cellule, c'est qu'en fait, quand on modifie avec cet instrument très précis CRISPR-Cas9 un bout du génome, on ne fait pas que modifier avec CRISPR-Cas9. On va aussi d'abord devoir préparer la cellule. Parfois, ça se passe dans des cellules cultivées in vitro, où il y a aussi d'autres modifications génétiques qui peuvent intervenir. Parfois, on ne peut pas directement insérer la modification génétique dans la plante qu'on cherche à modifier. On doit d'abord passer par une autre variété et ensuite la croiser avec la plante qu'on veut modifier pour insérer le gène qu'on cherche. Et ces phases-là ajoutent des phases pendant lesquelles il peut aussi y avoir des erreurs et des modifications. Ce qui fait qu'après, finalement, on n'est même pas sûr de savoir si l'erreur vient de CRISPR-Cas9 ou d'étapes antérieures. Donc tout ça complique énormément notre capacité à savoir à quel point est précis cet outil génétique. Marc-André Cello, vous souhaitiez réagir ? Oui, je pense qu'effectivement, quelque part, ceci nous cache, cet arbre-là nous cache la forêt. Aujourd'hui, on a un problème d'efficacité quand on gère l'environnement parce qu'on n'utilise pas les lois de l'évolution. Typiquement, quand on regarde ce qu'ont fait les OGM, on peut tirer une conclusion sur ce qu'ont fait les OGM de première génération, c'est qu'ils ont cassé des outils à cause justement d'un manque de méthode dans leur application. On a utilisé des semences Roundup Ready de soja qui ont fait que on a pu bombarder du glyphosate et qu'on a sélectionné en 30 ans dans certaines régions d'Amérique une trentaine d'espèces résistantes au glyphosate. Donc ce désherbant ne fonctionne plus, il n'est même plus une question dans ces régions-là. En Afrique du Sud, on a vendu du maïs synthétisant une toxine bactérienne, la toxine BT, qui est une toxine anti-insecte, qui est en plus inoffensive pour l'homme, qui est utilisée dans les cultures biologiques, dans l'agriculture biologique. Et en fait, on a sélectionné des insectes résistants à la toxine BT. On a cassé cet outil. Parce que on n'a pas une vision évolutive des systèmes. Aujourd'hui, on peut très bien par croisement faire des vignes, par exemple, qui ont des résistances multiples au mildiou et à l'oïdium, qui réduisent les traitements par 7, et qui ont tellement de résistances, tellement d'obstacles posés aux maladies, que le mutant qui résout tous les problèmes ne peut pas apparaître. La méthode évolutive manque, et aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup plus à gagner en ayant une vision écologique et évolutive. Écologique, c'est aussi la restauration des haies, par exemple, pour empêcher la transmission des maladies. Il y a des outils écologiques et évolutifs qui dorment, et qui font que l'application de ces méthodes est souvent un peu primaire et contre-productive. Ce sont des victoires à la Pyrrhus. J'ajouterais que parfois aussi, ça marche, il faut être honnête. Le riz doré, aujourd'hui, c'est une façon de donner aux gens... Alors, il pourrait aussi cultiver les carottes, vous me direz, mais d'avoir dans le riz assez de carotène pour amener assez de vitamine A à la population, ces semences-là, le riz doré, ont été l'objet d'un procès. On disait qu'il fallait en manger 3 ou 4 kilos par jour pour avoir assez de vitamine A. C'est faux. C'est l'exemple d'une bonne solution. Et c'est l'exemple de quelque chose qui n'a pas été négatif. Donc, vraiment, on a besoin d'une évaluation, car dans certains cas, ça peut amener des solutions, mais il faut vraiment penser nos solutions dans un contexte évolutif et écologique. Oui, pour vous, Marc-André Cellous, ces nouveaux OGM doivent être évalués comme les anciens. Alors, pour ces NGT, Donc il n'y a pas d'ajout génétique, hein, on se passe de transgénèse, c'est là où il y a donc tout le débat sémantique. Mais petite question, par exemple, Bernard Chebassu ou Louis, sur du maïs, on peut se dire que si on n'amène pas un gène étranger, ce qu'on fait en l'occurrence avec les OGM, comme amener un gène de bactérie pour lui donner une résistance aux insectes, on peut se dire que pour les NGT, que si on a juste modifié un gène qui existait déjà dans la plante, ça c'est ce que les sélectionneurs font depuis des centaines et des milliers d'années. Oui, mais ce que dit Marc-André, c'est effectivement que, supposons qu'on mette un gène qui permette de résister à une maladie ou autre, si on ne gère pas cette résistance en disant qu'elle risque d'être contournée tôt ou tard, qu'elle soit obtenue par des méthodes conventionnelles, par des OGM ou par des NTG, il faut bien se dire que ces innovations qui ont des avantages et peu d'inconvénients seront rares. C'est pas pour rien que 30 ans après le début des OGM, on se rend compte que les 99% des OGM reposent sur deux constructions génétiques. L'une qui est de la résistance à des herbicides, l'autre qui est effectivement de la toxicité sur les insectes. Et éventuellement, les deux gènes étant accolés. Autrement dit, des bonnes constructions génétiques qui pourront avoir des résistances intéressantes, eh bien, il faudra les gérer pour qu'elles durent. Autrement dit, il ne faudrait pas se dire qu'on va bourrer dans les mêmes individus des tas de gènes qui vont lui faire dire papa-maman. Hein. Il faut peut-être se poser la question, est-ce qu'il ne faut pas plutôt une diversité de variétés qu'on va mélanger, qui auront chacune des caractères de résistance différents, et il y aura des stratégies de gestion durable de la résistance. Il ne faut pas croire effectivement que ces nouvelles technologies seront plus robustes par rapport, effectivement, au phénomène évolutif. Et donc, c'est toute la question de dire, il faut pas raisonner en termes de substitution, on va remplacer des pesticides chimiques par des NTG. Il faut dire, il faut insérer ces nouvelles technologies dans une vision beaucoup plus globale qu'on appelle l'agroécologie, c'est-à-dire dans laquelle on va combiner des auxiliaires de culture, des nouvelles variétés, des mélanges d'espèces éventuellement, pour effectivement gérer à long terme cette résistance qu'on aura effectivement introduite à un endroit. Marc-André Sellos, par rapport aux risques environnementaux évoqués à propos de l'utilisation des NGT, il y a cette question aussi de transfert des gènes. Oui, alors c'est vrai que la plupart de nos espèces cultivées ont des parents sauvages avec lesquels elles peuvent se croiser. Elles peuvent aussi d'ailleurs se croiser avec d'autres variétés et avoir des descendants, des repousses comme on dit. Donc effectivement, il ne faut pas imaginer que sous prétexte que l'on récolte son champ, on enlève toutes les constructions génétiques nouvelles, toutes les innovations génétiques qui ont été amenées d'un coup de barre de coupe. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, il faut être très honnête, on n'a pas de catastrophe écologique à mettre sur la table qui soit liée aux premiers OGM dans les régions où ils ont été utilisés sans trop de finesse. À part ce que je disais, qu'on a cassé effectivement l'utilité du Roundup ou de la toxine BT dans certains endroits. Mais c'est un peu le principe de précaution, c'est-à-dire que on est en train d'accélérer la vitesse de l'évolution ici, c'est l'intérêt de la chose, et cette accélération fait que on va au-devant de problèmes et de solutions mirobolantes plus vite. Mais on va au-devant des deux d'une façon qui est quand même assez difficilement prédictible, en tout cas pas prédictible sur la base simplement du nombre de modifications qu'on a faites. Il faut vraiment une analyse un tout petit peu plus délicate. Justement, par rapport au recul que l'on a, ça fait quand même des décennies, par rapport aux OGM, disons, classiques, Vincent Lucchese, on a quand même des décennies d'usage et de polémiques. On a des réponses scientifiques sur leur nocivité environnementale et sanitaire. 13%, hein, je crois, de surface cultivable mondiale, ça représente aujourd'hui les OGM classiques. Oui, c'est un peu ce qu'on disait en début d'émission, c'est-à-dire qu'il y a là une différence notable entre le discours qui était tenu sur ces OGM et la réalité de l'utilisation, qui, comme on l'a dit, sont massivement utilisés en association avec du glyphosate ou des pesticides et avec la production de toxines naturelles au sein de ces semences. Mais on pourrait aussi élargir le débat encore au-delà, parce que finalement, c'est vrai que c'est pas tant un problème de nature que de quantité, que ces enjeux avec ces NGT qui risquent de massifier l'utilisation et la modification des gènes dans les plantes. Et comme on l'a dit aussi tout à l'heure, finalement, avant même les OGM, les plantes obtenues par mutagénèse depuis le début du XXe siècle sont des plantes massivement modifiées génétiquement, au sens sémantique, pas au sens réglementaire. Mais des associations de défense de l'environnement qui sont contre les OGM appellent ces plantes traditionnelles qui sont dans les réglementées, des OGM non réglementées, c'est-à-dire des plantes qui étaient modifiées par mutagénèse en les bombardant de radiation, de produits chimiques pour créer des mutations aléatoires qu'on va ensuite sélectionner pour avoir des plantes, des blés plus gros ou plus résistants à la sécheresse. Et ces plantes d'avant les OGM sont elles-mêmes des modifications génétiques au sens propre. Donc finalement, ce qui change, c'est pas tant la nature de l'action sur le génome, c'est la vitesse avec laquelle on peut modifier tout ça, et effectivement le risque que, d'un point de vue méta, on aille extrêmement vite par rapport à ce qui se faisait avant. Bernard Chevassieu-Louis. Oui, alors tout d'abord sur ce qui va se passer quand on va semer ces plantes, on n'a pas pu le voir en Europe, mais il était prévu dans la réglementation OGM que celui qui obtenait une autorisation devait mettre en place un dispositif de biovigilance. Comme il y a eu un moratoire, en fait, ça... Bon. Mais l'ANSES le dit, et on le dit aussi à l'Académie des technologies, il faut absolument qu'on ait un dispositif de biovigilance. Et ça n'a rien d'extraordinaire. Même pour le médicament, vous savez qu'il y a ce qu'on appelle la pharmacovigilance, qui est que lorsqu'on met une molécule sur le marché, on fait tout ce qu'on peut pour vérifier qu'elle aura des bonnes propriétés et pas d'effets néfastes. Mais les médecins doivent recueillir des effets indésirables qui permettent parfois de dire on retire ce produit du marché. Donc ça, c'est un premier message, c'est de dire il faudra de toute façon prendre des dispositifs de vigilance. Hein. Donc ça, je crois que c'est quand même quelque chose qu'il faudra conserver et pour lequel on est d'accord avec l'ANSES. Alors pourquoi justement, plus précisément, mettre en place une biovigilance mais aussi une sociovigilance dans le cadre de l'utilisation des NGT? Restez avec nous, on répond à ces questions dans quelques instants. Jazz Brothers, Slice Tomatoes, car nous parlons de tomates, ou plus généralement de l'édition génomique des fruits et des légumes, et surtout des nouveaux OGM appelés les NGT. On en parle avec Marc-André Sellos, professeur du Muséum National d'Histoire et membre de l'Académie d'Agriculture de France, Bernard Chevassieu-Louis, membre de l'Académie des Technologies et président de l'ONG Humanité Biodiversité, et Vincent Lucchese, journaliste à Reporter. On a vu que les NTG ou NGT sont des méthodes d'édition qui permettent de modifier de façon précise le génome, mais sans insérer d'ADN étranger. Avec les NGT, on peut éteindre l'action d'un gène ou activer une mutation d'intérêt. On opère une coupure de l'ADN, on provoque soit une modification, soit une inactivation de certains de ces gènes. Voilà pour le mode d'emploi. Mais ces nouvelles techniques de modification ou d'édition génomique affirme répondre à des enjeux écologiques. On en parle avec vous, Céline Lozen. Bonjour. Bonjour, Natacha. Alors, pour le reportage du jour, vous êtes allée à l'Institut Jean-Pierre Bourguineau sur le site INRAE de Versailles-Saclay pour comprendre comment cette technique fonctionne sur plusieurs espèces de plantes. Et oui, ces procédés type CRISPR-Cas sont utilisés en agroécologie, ici sur des espèces comme la tomate, le pois, le soja ou la pomme de terre. L'enjeu alors est de faire de la création végétale pour s'adapter au climat, utiliser moins d'intrants chimiques ou encore résister aux pathogènes et produire localement. Fabien Noguet, directeur de recherche en génétique, et Manon Montfort, doctorante, travaillent sur une espèce de soja. De la graine en labo à la mise en pot en serre, ils adaptent sa floraison aux écosystèmes nord-européens. On est dans le centre INRA de Versailles, qui existait déjà avant la Deuxième Guerre mondiale et puis qui ensuite a été plus formalisé post-Deuxième Guerre mondiale. Là, vous voyez des serres, les différentes serres qu'on utilise pour faire pousser nos plantes. Quelles variétés on fait pousser ici? Quelles espèces? Alors, on fait pousser du soja, de la tomate, du maïs et bien sûr, une grande partie est dédiée à des plantes modèles type Arabidopsis thaliana, dont vous avez peut-être déjà entendu parler. Donc on va arriver dans notre laboratoire qui se trouve dans ce bâtiment. Alors, je vous présente Manon Montfort, qui est en thèse, elle, dans l'équipe. Je travaille sur le soja, plus précisément sur l'utilisation des outils génomiques CRISPR-Cas9 dans l'objectif d'avancer la floraison chez le soja pour obtenir des variétés qui sont plus précoces et qui seront plus adaptées à la culture en Europe, notamment en Europe septentrionale. Donc pour faire ça, on part de graines de soja qui ont une floraison un peu tardive et ensuite on va les transformer par une technique qui s'appelle Agrobacterium tumefaciens. Et donc via transformation, on va insérer dans le soja la Cas9, donc ce qu'on appelle le cisogénique, et également les guides. Et donc les guides, ce sont des petites molécules qui vont permettre d'aller guider la Cas9 sur des gènes que j'aurais sélectionnés. Et en l'occurrence, moi, ce sont des gènes qui sont impliqués dans la floraison chez le soja. Donc une fois que j'ai fait cette transformation, normalement, j'aurais créé de la diversité et des mutations dans les gènes qui sont impliqués dans la floraison chez le soja. Et ensuite, dans la génération qui aura régénéré par culture in vitro, je devrais observer des plantes de soja qui fleurissent plus tôt. Vous voulez qu'on aille voir ça en serre? Ouais. Quel détail temporel vous arrivez à obtenir? Quel avancement, je veux dire, au niveau de la floraison? Donc, j'ai réussi à obtenir jusqu'à 3 semaines d'avancement de floraison. Donc, c'est extrêmement satisfaisant. Oui. Pour ce qu'on espérait, c'est on gagne plusieurs, ce qu'on appelle des groupes de maturité. Notre soja a gagné plusieurs groupes de maturité, ce qui fait qu'on pourra désormais semer ce soja plus au nord de l'Europe. Alors, le soja, c'est très intéressant pour l'Europe parce qu'on est des gros consommateurs. Par contre, on est surtout des gros importateurs parce que cette consommation, elle n'est pas locale. Et en fait, créer notre propre soja, enfin, produire notre propre soja, ça permettrait d'être moins dépendant des importations, notamment des importations d'OGM qui viennent d'Amérique du Sud et des États-Unis. Et en plus, le soja, c'est une plante très intéressante parce que c'est une légumineuse qui est capable de fixer l'azote atmosphérique. Donc c'est un avantage pour les agriculteurs qui auront besoin de mettre moins d'intrants. Et en plus, ça permet aussi de diversifier les cultures parce que les agriculteurs, pour l'instant, cultivent assez peu de soja. Et donc ça rajoute une culture dans une rotation et ça, c'est toujours intéressant pour la diversité des cultures. Maintenant, on rentre dans la serre qui permet les cultures de plantes OGM. C'est très chaud. Il fait très chaud, exactement. Mais le soja aime bien la chaleur, la tomate aime bien la chaleur. Ici, vous avez de l'amarante, qui pourrait être aussi une source de protéines végétales intéressantes. Les tomates. Alors ça, c'est pas les tomates qu'on a éditées avec les collègues d'Avignon, qui permettent une résistance à un virus. Donc ce qu'on avait fait, nous, sur les tomates, c'est qu'on avait essayé de copier, de mimer des mutations qui existaient chez le poivron et chez une tomate sauvage. Mais cette tomate sauvage avait la particularité d'avoir une résistance à un virus qu'on appelle le virus PVY, potivirus. Et le poivron, également par mutation naturelle, avait acquis une résistance à ce même virus, le virus PVY. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a copié ces mutations chez la tomate avec l'outil CRISPR-Cas9. Et on a réussi à implémenter chez cette tomate une résistance au PVY. Vraiment par mimétisme des mutations qui préexistaient, qui avaient déjà été trouvées dans la nature. On est assez confiant, puisque cette résistance, elle existe toujours chez le poivron, elle existe toujours chez la tomate. Donc ça veut dire que potentiellement, c'est une résistance relativement stable. Et que vous allez pouvoir étendre à d'autres espèces comme les pommes de terre? Exactement. Donc maintenant, notre objectif, ça serait d'essayer de mimer ces mêmes mutations chez la pomme de terre. Le PVY n'est pas un problème majeur pour les producteurs de tomates. Par contre, chez la pomme de terre, c'est un vrai problème. Et la seule façon de lutter, c'est d'utiliser des pesticides pour tuer les pucerons, qui sont eux-mêmes vecteurs du virus PVY. Donc voilà, donc c'est ce qu'on essaye de faire en ce moment, d'essayer de mimer ces mêmes mutations chez la pomme de terre. Alors, on est dans une zone un peu plus particulière ici? Oui, c'est une zone où on a normalement nos pois et nos sojas. Mais là, vous pouvez voir donc les sojas de Manon. Elle va vous présenter ce que c'est. Donc ça, c'est des sojas qui sortent tout juste de culture in vitro. Donc, ils sont assez jeunes et c'est pour ça qu'ils sont petits. Et donc, ils ont été transformés grâce à Agrobacterium tumefaciens et la technologie CRISPR-Cas9 dans l'objectif d'obtenir des sojas qui fleuriront donc plus tôt. Donc ça, pour l'instant, ça va être difficile de l'évaluer directement. On va devoir attendre la floraison, mais on est assez optimiste sur le fait qu'on va réussir à gagner plusieurs semaines sur le temps de floraison habituel du soja. Et ce qui nous intéresse, c'est bien sûr de gagner en termes de temps de floraison, mais aussi en termes de maturation. Ce qui est important pour l'agriculteur, bien sûr, c'est que son soja fleurisse, mais aussi que les graines arrivent à maturation plus rapidement que ce qui est possible à l'heure actuelle. Donc c'est pour ça que Manon a essayé d'inactiver une dizaine de gènes pour essayer de créer vraiment de la diversité génétique sur ce paramètre de floraison et de maturation des graines. À quel point ça vous stimule de vous dire que vous sondez vraiment au cœur de l'essence des plantes pour essayer d'optimiser leur potentiel pour finalement répondre à des besoins qui nous concernent? C'est extrêmement stimulant parce que moi, quand j'ai choisi la biologie, c'était dans un objectif de créer des variétés qui pourront pousser avec en fait l'évolution du climat et l'évolution de la société. Là, je suis vraiment à utiliser un outil qui nous permet de répondre à tous ces objectifs et tous ces challenges de manière efficace et avec un coût qui rend ça accessible à plusieurs laboratoires de recherche. Donc c'est vraiment ce que je voulais faire. Merci Céline Lezenne pour ce reportage. Vincent Lucchez, une réaction à ce qu'on vient d'entendre? Oui, ça illustre bien le fait qu'il y a énormément de complexité et d'ambiguïté avec ces technologies. On a déjà évoqué à quel point elles pouvaient être encore contenir une part d'incertitude et de risque dans leur utilisation. Et malgré tout, il y a des utilisations envisagées qui iraient dans le sens de plus de résilience climatique. Ce qui est important à retenir, je crois, dans tout ça, avant tout, c'est que on a toujours le choix. Et que le plus dangereux, c'est le type de rhétorique qui nous fait croire que c'est indispensable et inévitable et qu'on n'aurait pas le choix, qu'il faudrait utiliser ces technologies. Or, faire sans ces technologies, on sait faire. Beaucoup d'études montrent qu'on peut nourrir le monde par l'agroécologie et par le biologique. On sait être beaucoup plus résilient face au changement climatique avec davantage de diversité culturelle, avec des pratiques de non-labour des sols, avec beaucoup de choses qui sont aussi de la recherche développée notamment par l'INRAE d'ailleurs. Et donc, ça peut être des choses utiles ou des choses qu'on utilisera ou pas, mais il faut regarder quelle est la part bénéfice-risque et puis se dire qu'il y a des choses qui existent sans et que ce n'est pas inévitable. Marc-André Sellos? C'est Rachel Carson qui, dans son livre sur les pesticides de 1962, disait qu'on était rentré dans le vivant avec un gourdin, dans le monde vivant avec un gourdin. Et je pense que ce qui vient d'être dit illustre un petit peu ça. On a aujourd'hui, et Bernard en parlait également, des méthodes d'agroécologie, de mélanges variétaux qui permettent de travailler. Et bizarrement, on y pense moins qu'à des gestes un petit peu plus technologiques. Et ça, c'est un défaut qu'on a. On fait confiance à la technologie, on fait pas confiance à l'écologie. Il va falloir qu'on se soigne parce qu'on a besoin de toutes ces armes-là, surtout dans la période actuelle. Et puis, en parlant de changement climatique, moi, j'aimerais entendre un discours qui soit quand même beaucoup plus sur le côté intolérable du fait que ça continue, plutôt que finalement de se résigner à aller bidouiller des gènes pour que ça continue à pousser. Il y a quand même quelque chose qui est un peu insupportable quand on réfléchit. En dézoomant, voilà. Il y a quand même une chose moi que je voudrais répéter ici, parce que des fois il y a eu des conduites anti-OGM qui ont égratigné ce que je vais dire. Je pense que c'est important de laisser aux chercheurs la possibilité de tester, de travailler en système clos sur ces objets-là. Après, quand ça sort du labo, Là, c'est un débat sociétal si on l'utilise ou non. Il ne faut pas que le fait que les scientifiques aient eu besoin de s'en servir pour tester des solutions soit un cheval de Troie dans la discussion sociétale. Mais dans les utilisations qui me paraissent assez vitales, pour comprendre comment fonctionne le vivant, il y a les utilisations de recherche. Oui, comme vous dites, les OGM permettent de faire de la recherche et moins un intérêt dans la recherche médicale avec des applications dans les domaines de santé. Ah, oui, pardon, Vincent pardon, Mackaise. Non, je voulais rebondir sur le sujet. Effectivement, c'est important de laisser les chercheurs travailler, en notant également cependant que les budgets sont loin d'être illimités dans la recherche, et qu'il y a aussi ce biais-là, que certaines technologies très à la mode ont tendance à phagocyter les budgets de recherche. Et c'est aussi un problème que m'ont soulevé beaucoup de chercheurs, c'est que quand on met 50 millions ou 10 millions dans les NGT, on ne les met pas dans l'étude de recherche de solutions agroécologiques. On a vu ces dernières semaines à quel point les agriculteurs avaient besoin de moyens pour travailler dans des conditions financières acceptables. Il n'y a pas des budgets infinis ni des temps de travail infinis pour la recherche. Voilà. Et donc, le choix de société, il est aussi là-dessus. Est-ce qu'on met de l'argent et des moyens pour faire une variété nouvelle résistante à la sécheresse? Ou est-ce qu'on va les mettre pour déployer des haies, déployer l'agroforesterie, des choses comme ça, qui sont des moyens, malheureusement, qui ne sont pas non plus toujours à disposition. Voilà, je préfère que ce soit vous qui l'ayez dit, parce que moi, j'ai un conflit d'intérêt, mais je ressens la même chose. Hein. Mais je témoigne de beaucoup de chercheurs qui disent la même chose sous le coup d'anonymat. Bernard Chevassou, Louis. Oui, deux choses. Des fois, on a la chance, effectivement, que par rapport à un problème, on trouve qu'il y a un gène ou deux gènes, et à ce moment-là, c'est assez facile. Mais quand on va parler de résistance à la sécheresse ou de résistance à des bioagresseurs, assez souvent, on va se rendre compte que c'est en fait des constructions génétiques beaucoup plus compliquées. Autrement dit, il ne faut pas être dans ce qu'on disait dans les années 70 en disant « il y a le gène de ceci, le gène de cela et l'autre ». On sait aujourd'hui que beaucoup de caractères, dans les années 70, on disait « on va rendre les blés fixateurs d'azote, on va prendre le gène qu'il y a chez les légumineuses ». Aujourd'hui, on sait que la fixation de l'azote, c'est un complexe extrêmement difficile. Bon, c'est le premier point. Puis le deuxième point, c'est que s'il n'y a pas une politique publique pour demander aux semenciers de s'intéresser à ces critères et de produire des variétés qui soient adaptées à l'agroécologie, on aura le même scénario que les OGM, c'est-à-dire qu'on va se concentrer sur les grandes monocultures intensives. Autrement dit, il ne faut pas dire que les technologies en elles-mêmes vont permettre de faire des choses. Il faut qu'il y ait une politique publique demandant effectivement à ce que ces résultats de la recherche servent effectivement à l'adaptation à l'agroécologie. Alors, quelles sont les autres questions que ces technologies agronomiques posent et quelle est la plus-value des OGM et des NGT en agriculture ? Reste à l'écoute. France Culture. La science CQFD, Natacha Triot. En direct sur France Culture, nous parlons des nouveaux OGM, des NGT, de toutes les questions que ces organismes génétiquement modifiés soulèvent. On en parle avec Vincent Lucchese, Marc-André Sellos et Bernard Chevassou au Louis. Bernard Chevassou au Louis, vous avez piloté l'avis de l'Académie des technologies sur les NGT. Les recommandations mettent l'accent sur la mise en place d'une biovigilance, mais également d'une sociovigilance, c'est-à-dire. Oui, parce que du temps des OGM, on a dit, et c'était lié notamment aux accords de l'OMC, les seules choses qu'on va évaluer, c'est les effets sur la santé et l'environnement. Pourquoi ? Parce que dans les accords de l'OMC, on avait dit, pour s'opposer à l'introduction d'une semence, il faut avoir des arguments disant qu'il y a un risque pour la santé et l'environnement. Et peu à peu, les gens ont dit, mais ça modifie autre chose d'utiliser des OGM. Ça peut modifier la répartition de la valeur ajoutée entre les semenciers, les agriculteurs ou l'aval de la filière. Ça peut modifier les techniques et les conditions de travail des agriculteurs. Donc, il faudrait faire de l'évaluation socio-économique. Mais on a dit, oui, mais ça peut pas rentrer dans les critères de l'OMC. Qu'est-ce que vous avez vu ? C'est que on a demandé à l'ANSES, effectivement, dans l'avis qui vient de sortir, qu'est-ce que vous avez à dire sur l'évaluation socio-économique ? Et ça, c'est quand même un défi qu'il ne faut pas sous-estimer, de demander à des chercheurs, non pas de faire de l'évaluation des risques sanitaires environnementaux avec de l'écologie, avec de la toxicologie, mais de dire qu'est-ce que ça va changer dans une société d'introduire cette innovation. Alors, je vous renvoie effectivement à ce qu'a dit l'ANSES, mais ce qu'on dit dans l'avis de l'Académie des technologies, c'est que, de toute façon, si on veut pouvoir se prononcer, il faut avoir des données. Autrement dit, il faut avoir non seulement de la biovigilance, mais recueillir des données pour savoir est-ce que ça simplifie ou est-ce que ça complique le travail des agriculteurs, à qui va la valeur ajoutée, qui vend les choses à qui, autrement dit, avoir, comme pour la biovigilance, des données pour savoir qu'est-ce que ça change Ensuite, le politique aura à dire est-ce que ces changements sont souhaitables ou pas souhaitables. Le fait que ça soit davantage la grande distribution qui récupère la valeur ajoutée ou les fournisseurs de semences, ça c'est un débat qu'on peut avoir dans une société. Mais en tout cas, il faut avoir des données, c'est ce qu'on a appelé effectivement la sociovigilance. Et c'est pour répondre à la question, qui va récolter la valeur ajoutée, Marc-André Cello, selon vous, quelle est la plus-value, enfin, quelle pourrait être la plus-value des OGM et des NGT en agriculture? Alors, on a une force là, c'est que, comme disait Bernard à l'instant, il y a un problème de données, mais on a des données parce qu'on a déjà eu des OGM. C'est-à-dire, on navigue plus dans le vide. Et on sait très bien, ce qu'on a vu, c'est un truc finalement pas inattendu. Ça coûte cher à faire, ça demande de la technologie. Vous faites pas ça sans l'espoir de le vendre. Et une fois que vous l'avez fait, éventuellement, bah, vous le vendez en étant propriétaire. Donc il y a des débats là qui s'engagent d'abord autour de formes de brevetabilité du vivant, autour de semences, mais aussi d'ailleurs de graines produites. Parce qu'à un moment, vous savez, les plantes, si c'est des plantes, elles font du pollen qui peuvent aller dans le champ d'à côté. Et donc, dans le champ d'à côté, vous avez des graines qui contiennent un gène qui a été introduit dans l'autre champ. À qui elles sont ces graines? Et en particulier, est-ce que le propriétaire du champ d'à côté va pouvoir les ressemer, puisque ça contient quelque chose qui est issu de semences qui sont dans le commerce et qui sont un bien approprié? Et puis aussi, de toute façon, les entreprises qui ont investi dans ces objets-là, c'est des entreprises qui ont vu un marché. Donc le risque, il est effectivement qu'il y ait une logique de marché qui s'applique avec deux effets secondaires. Un, l'intérêt d'avoir des variétés qui entraînent les produits dérivés. Par exemple, une résistance au Roundup et vous pouvez vendre plus de glyphosate. Et puis surtout, d'avoir des semences qui s'intéressent à un marché massif et lucratif. Et c'est comme ça qu'on voit que les OGM n'ont pas vraiment volé au secours des agricultures dans les pays où les gens ont le plus de mal à manger, mais surtout au secours ou à l'appui des agricultures conventionnelles occidentales. Et puis selon vous, la barrière de la haie, ça réduit déjà de 80% le taux de biogresseurs, donc la plus-value des OGM, c'est surtout pour celui qui l'a mis au point? Bah, ça peut être différent, mais c'est ce à quoi il faut qu'on soit vigilant collectivement. Oui, Vincent Lucas. Oui, un point là-dessus, c'est évidemment essentiel cette question de la brevetabilité du vivant, il faut faire extrêmement attention à ça. Dans le vote du Parlement européen en février, les eurodéputés ont voté pour que ces NGT ne soient pas brevetables en tant que telles. C'est pas encore définitif parce que le Conseil européen doit encore négocier avec la Commission, etc. Mais ce qui est très compliqué, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que malgré tout, même si les semences ne sont pas brevetées, les outils génétiques, technologiques, eux, sont brevetés. Et c'est un jeu assez complexe de poupées russes qui fait que même si les semences derrière ne le sont pas, finalement, ceux qui pourront les produire seront des acteurs très limités qui seront les géants de l'agro-industrie des semenciers, qu'on connaît bien, Bayer, Monsanto, BASF, etc., et qui risquent d'avoir en tout cas un effet de renforcement de leur monopole avec ces technologies. Oui, Bernard Chevassieu, Louis, la plupart des firmes américaines qui s'intéressent aux NGT sont des firmes pharmaceutiques où tout est breveté, donc si les NGT étaient brevetés, ce serait de l'appropriation du vivant. Ben, si vous voulez, le fait que les gens qui produisent quelque chose essayent de protéger leur invention, c'est assez normal. Je veux dire, le droit d'auteur, ça existe pour les gens qui font des bouquins. Bon, la question c'est, est-ce que c'est juste? Autrement dit, est-ce qu'il n'y a pas un accaparement excessif? Et le problème, on l'a pour les médicaments, c'est-à-dire on voit bien qu'aujourd'hui, ce qu'on appelle les médicaments orphelins ou les maladies orphelines, c'est le fait effectivement que les industriels investissent sur des médicaments qui vont avoir un gros marché et laissent de côté des maladies qui n'ont pas beaucoup de patients, entre guillemets. Et on va avoir la même question, c'est-à-dire que si on veut effectivement que ces innovations servent au plus grand nombre, eh bien, comme pour le médicament, vous savez qu'un certain nombre de pays ont décidé soit de demander à des industriels de développer des médicaments en finançant éventuellement le fait que ça coûte plus cher de développer pour des petits marchés, soit en contournant la législation sur les brevets. Je pense que cette question de la politique globale qu'on aura pour que cette innovation serve au plus grand nombre et non pas soit appropriée par un petit nombre, c'est un vrai défi qu'il faut poser et sur lequel tout le monde doit avoir une opinion. C'est un défi de société. Eh bien, dans quelques instants, on va parler de l'effet de la pollution aux métaux sur les abeilles avec la chronique Avec Science. Mais un grand merci à vous trois de nous avoir accompagnés tout au long de cette heure et de nous avoir éclairés sur ce débat qui est aussi donc un débat de société. On retrouve à présent Alexandra Delbo. C'est la chronique Avec Science. « comment les métaux lourds affectent-ils les capacités cognitives des abeilles? Les métaux lourds, il y en a naturellement partout. Ce qui pose problème, ce n'est pas leur présence, mais les contaminations. C'est-à-dire quand les activités humaines libèrent massivement ces métaux dans l'environnement. C'est le cas des mines d'or, par exemple. Quand les roches sont brisées et concassées, elles permettent de récupérer de l'or, certes, mais le procédé libère également de l'arsenic. Un site en France est particulièrement pollué, c'est Salsigne, une ancienne mine située dans la vallée de l'Orbiel, près de Carcassonne, surnommée la vallée de l'arsenic. En juin 2019, 38 enfants du coin ont été testés à des taux d'arsenic supérieurs à la valeur de référence. On ne connaît pas les conséquences de cette exposition. En revanche, la littérature scientifique a bien documenté les effets à forte dose des métaux lourds chez de nombreux êtres vivants. Mathieu Lioro est directeur de recherche CNRS au Centre de recherche sur la cognition animale à l'Université Paul Sabatier à Toulouse et co-auteur de cette étude parue dans le Journal of Hazardous Materials. Il y a des dizaines d'années de recherche sur tout plein d'organismes qui ont testé les effets des métaux lourds. Et donc, chaque métal va avoir un effet différent. Et ces effets, en général, ils se produisent au niveau des cellules. Donc, ça va avoir des conséquences sur tout le corps, développementaux, fonctionnels, sur tous les organes. L'arsenic, le cadmium, le mercure et le plomb sont létaux à forte dose chez un très grand nombre d'organismes et sont dangereux à des doses moyennes chez les humains et chez les souris. Ce qu'on sait beaucoup moins, c'est qu'est-ce qui se passe à faible concentration. On a commencé à regarder les effets, pas sur la survie, puisque les concentrations environnementales ne tuent pas les animaux, mais sur le comportement, sur leur capacité à apprendre, à retenir des informations. Et on s'est aperçu, par exemple, en laboratoire, que si on donnait à manger aux abeilles un peu de plomb, un peu de cadmium, un peu d'arsenic, un peu de mercure, ben ces abeilles vont avoir des capacités d'apprentissage qui vont être réduites. Et c'est quelque chose qu'on peut observer très rapidement, simplement après une ou deux ingestions. Les conditions de laboratoire ont leurs limites. Ce sont des environnements très contrôlés. Et donc, l'enjeu de cette étude, c'est de tester ces effets en milieu naturel, en plaçant les abeilles là-bas, sur le site contaminé de Salsigne pendant 2 mois. Par l'air, l'eau, le pollen, le nectar, chaque insecte s'expose ainsi quotidiennement aux polluants. Puis ils sont ramenés au bercail, au laboratoire, pour leur faire passer des tests cognitifs. Il s'agit d'apprendre aux abeilles à associer odeur et récompense. En l'occurrence, une petite goutte d'eau sucrée chez les abeilles saines, 4 essais suffisent. Dès que l'odeur se fait sentir, elles tendent leur trompe, l'équivalent de leur langue, parce qu'elles attendent de l'eau sucrée. Et puis, elles le feront à nouveau, à chaque fois qu'on leur propose cette odeur. En revanche, les abeilles de l'ancienne mine d'or font ce geste bien moins souvent. Leur performance d'apprentissage est donc altérée, c'est le premier résultat. Le second concerne directement leur cerveau, et pour cela, il a fallu les passer au rayon X. Mais là, ce sont des radios un peu particulières, donc ce sont des microscanners qui sont généralement utilisés en paléontologie pour reconstruire en 3 dimensions des petits fossiles. Et donc nous, on a travaillé avec ce laboratoire de paléontologie à Montpellier pour mettre en place une technique pour scanner des mini-cerveaux d'abeilles. Dites-vous bien que cette approche n'avait jamais été développée jusqu'à présent. Ça nous a permis de reconstruire en 3D des images de ces mini-cerveaux et on a pu ensuite mesurer, étudier la morphologie des différentes zones du cerveau. Le cerveau d'une abeille, c'est constitué un peu comme le cerveau d'un humain. Il y a des neurones et il y a des zones cérébrales, des zones qui sont spécialisées dans le traitement de différents types d'informations. Et ce qu'on s'est aperçu avec ces images, c'est que les zones qui étaient spécialisées dans le traitement de l'information olfactive, donc dans le traitement des odeurs, ces zones étaient extrêmement réduites chez les abeilles qui ont été exposées aux métaux lourds par rapport aux abeilles qui n'ont pas été exposées aux métaux lourds. Et ça faisait sens. Donc on a donc fait un lien entre la taille des lobes olfactifs et la capacité des abeilles à apprendre. Il s'agit pour l'instant d'une corrélation entre les deux phénomènes. Il faudra davantage d'études pour mettre en évidence un lien de causalité. Ce qui est certain, c'est que la mémoire et l'apprentissage sont essentiels à la vie et surtout à la survie des abeilles. L'autre enjeu de l'étude, c'est de pointer que la faune sauvage, et notamment les invertébrés, sont sensibles aux métaux lourds et que les réglementations en vigueur ne les concernent pas. Le prochain objectif de ces travaux est de mener l'expérience à bien plus grande échelle et en temps réel, avec des protocoles automatisés, des ruches connectées pourront tester les capacités des abeilles sur des lieux contaminés. Un prototype est en cours de test à Fukushima, avec un déploiement prévu pour juin prochain. Merci Alexandra pour votre chronique. On vous retrouve demain matin avec Guillaume Erner et puis chez nous, à la même heure. Mais merci à vous pour votre écoute. Merci à toute l'équipe de la science CQFD. Ève Etienne, Noémie Maguet de Saint-Vulfran, Céline Lozen, Garance Préma Agnolo, Antoine Beauchamp, Bruno Sansini. À la réalisation Olivier Bétard, à la technique aujourd'hui Olivier Arnay. Vous pouvez nous écouter partout, à toute heure, en podcast, sur le site franceculture.fr ou sur l'appli Radio France et nous suivre sur Twitter, @sciencecqfd. C'était ce qu'il fallait démontrer à ce jour.